Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosécrans.com pour le 44e, me semble-t-il, numéro de Sur nos écrans, numéro durant lequel on ne va pas vous parler d'une série télé, mais d'un film d'animation, comme ça arrive après deux ou trois fois dans l'année, un film d'animation DC, le dernier né de la vague DC Animated, Batman Bad Blood, qui introduit pas mal de nouveaux personnages, dont certains attendus par certains membres de l'équipe, donc on va vite en parler et voir si Batman Bad Blood est à la hauteur des attentes qu'elle a pu susciter chez nous. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 44e numéro de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'll be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the street. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then we'll disappear. Become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et avec moi ce soir, celui qui attendait peut-être le plus ce film, Arnaud. Salut. Et Irish. Salut. Qui lui avait une heure et quelques à tuer, donc du coup, voilà. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Batman Bad Blood qui est sorti la semaine dernière en DVD Blu-ray en France, qui était déjà sorti en VO depuis quelques temps et qui était aussi sorti en téléchargement légal. Depuis quelques temps aussi, y compris en VF. À noter juste, puisqu'on est en train de parler du produit et des éditions, qu'il existe une édition Blu-ray plus DVD accompagnée d'une, ma foi, bien jolie figurine de Nightwing. Voilà, qui fait une petite dizaine de centimètres, du coup, c'est sympa. Pour à peu près le même prix que le DVD Blu-ray sale. Voilà. Tout est dispo, évidemment édité par Warner Bros. Tout est dispo sur toutes les plateformes d'achat, les magasins et tout ça. Maintenant que le produit est présenté, on va dire, on va peut-être quand même dire deux mots sur qui est derrière. Ça peut servir. Hein. Batman Bad Blood, c'est un film réalisé par Jay Oliva, qui me semble-t-il, a réalisé d'autres films animés d'ici, dans les récents. Ah. Est-ce que tu parles de l'excellent Under de Red Hood? Non, plus récent. Batman versus Robin et Batman assaut sur Arkham. Voilà. Et Justice League War. Voilà, donc et Justice League Flashpoint Paradox. Voilà, et Batman Returns, partie 1 et 2. Voilà, Dark Knight Returns. Il a participé à Dark Knight Returns, 1 et 2. Et puis voilà, tout dans le monde. Et les épisodes de Young Justice, et Green Lantern, et du Marvel. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui est assez impliqué dans l'animation et qui a plutôt fait de belles choses jusque-là. Pour ce qui est du doublage, intéressant. Jason O'Mara, évidemment, en Bruce Wayne Batman, on a l'habitude. Yvonne Strahovski, qui double Kate Kane Batwoman. Morena Baccarin, elle est partout, décidément. Elle est partout, celle-ci. Et ben là, elle joue Talia al Ghul. Sean Maher en Dick Grayson Nightwing. Stuart Allen en Damian Wayne Robin. Qui est-ce qu'on peut citer encore? John DiMaggio en Blockbuster. Dans les noms un peu connus, les autres me parlent un peu moins. Gaius Charles en Luke Fox. Voilà. Voilà pour le cast. La durée de ce film, c'est combien? C'est 72 minutes. Voilà. 1h22. 1h22. 12. 1h12, tu dis 1h12, pardon. Oui. 1h12. On a de la personnalité dans cette équipe, bravo. Alors, allez, on place le curseur. Bien ou pas bien, Batman Bad Blood? Mauvais sang ou pas si mauvais sang que ça, finalement? Arnaud? Sympa, sans plus. C'est difficile à dire, sans rentrer dans les détails, le film se regarde assez bien, on s'ennuie pas, on va dire. 1h20, ça passe vite. On s'ennuie pas. Mais le film a un gros problème d'une part de rythme. Ce qui est problématique pour 1h22 quand même. On s'ennuie pas, mais il y a des petits moments où on s'ennuie. Le rythme est plus lent et heureusement que le temps passe vite à autre chose, sinon on pourrait vite s'ennuyer. Mais surtout, le problème, c'est qu'il y a trop de personnages dans ce film. Ah, tu appuies sur un point. Voilà. C'est ce que j'allais alors, dire. Alors, Irish, bien ou pas bien, du coup? Bah, j'ai moyen. Outre le fait qu'il y a un trop plein de personnages, il y a cette désagréable sensation pendant une bonne partie du film d'être en train de regarder un divertissement pour gamins. Vraiment un dessin animé, du coup. Donc, voilà, les dessins animés d'animation super-héros Marvel ou DC, j'en ai regardé pas mal et il y en a plein où je trouvais ça vachement plaisant. J'avais pas l'impression de regarder un peu Dora, notamment avec le petit Damian Wayne qui est très irritant. Je sais pas, moi je l'ai regardé en VF. Donc, je ne sais pas si ça avait un effet. Mais non, voilà, non, mais c'est le personnage qui est comme ça aussi dans les comics. Hein. Damian Wayne, c'est un gamin insupportable au début, dans ses premiers mois et ses premières années dans les comics. Donc du coup, là, il vient d'arriver dans les animés, bah, il est comme il était quand il est arrivé, c'est un petit con, quoi. Ouais. Donc il y a un petit côté Marvel Avengers Assemble, et voilà. D'accord. J'ai pas trop aimé. Mais n'empêche que j'ai bien aimé les scènes de fight sont plutôt bien faites, par contre. C'est un bon point pour le film. Ok. Pour ma part, voilà, j'ai pas boudé mon plaisir. C'était divertissant. C'était un bon moment. Voilà, c'est pas Under the Red Hood, hein, voilà, c'est clair. Mais voilà, c'est un bon moment qu'on passe. 1h10, pas désagréable du tout. Moi, mais du coup, j'ai un regard différent des lecteurs aussi et d'habitués de tous ces personnages. J'étais ravi de cette orgie personnellement, de tous les avoir en même temps dans le même film. C'est un kiff quoi, de tous les voir. Jusqu'à Batwing, enfin voilà. Batwing, non, il était pas nécessaire, je trouve. Bah, exactement, je suis d'accord avec toi. Sans Batwing, ça aurait peut-être mieux passé, mais il était vraiment de trop. Parce que déjà, on a l'introduction d'un nouveau personnage qui est Batwoman, qui est très peu connu. Et en plus de ça, il faut rajouter tous les personnages qu'on connaît déjà, comme Nightwing et Robin. Et j'étais super heureux de voir Nightwing et Robin avec Batwoman. On fallait déjà introduire Batwoman. On n'avait pas besoin de nous introduire également Batwing, c'était beaucoup trop. Et du coup, on passe trop vite sur l'origine des personnages et surtout sur celle de Batwing. Bah oui, quand tu regardes par exemple origine personnage, on en a deux dans le film. On a Batwing et aussi Batwoman. Ce que je viens de dire. Voilà. L'origine de Batwoman est beaucoup plus intéressante. C'est moins cliché. C'est. Bah après, c'est le personnage qui est comme ça aussi. Batwing, il a les origines qu'il a, quoi. Elles n'ont pas été révélées. Mais je veux dire, si tu enlèves. Trop rapide dans le film, je trouve. Si tu l'enlèves, tu peux avoir. T'as le même film. Il n'y a pas de grande différence. Et je pense que le film est un peu plus fluide. Je suis d'accord. Parce que Batwoman apparaît dès le début et elle est. C'est peut-être exagéré à dire qu'elle est l'élément déclencheur, mais elle est présente dès le départ. Bah, elle est essentielle. Elle est essentielle parce que l'élément déclencheur de l'histoire, c'est la disparition de Bruce Wayne, et elle est là à ce moment-là. Elle est présente au moment de la disparition de Bruce Wayne, et elle commence à essayer de le retrouver. C'est comme ça qu'elle tombe sur Nightwing et qu'elle est intégrée à l'équipe. Alors que Batwing, dans l'histoire centrale du film, il n'est pas essentiel. Comme disait Erich, tu peux le virer, mettre un autre personnage à la place, ou même pas d'autre personnage. Un autre personnage peut très bien remplir la fonction qu'il a dans le film. Mmh. Il peut reprendre exactement ce qu'il fait dans le film sans avoir besoin de créer un autre personnage comme Batwing. On n'avait pas besoin de lui dans le film qu'il fonctionne. Alors moi, je pense qu'il aurait manqué, ne serait-ce par un des points de fond du film, qui est la diversité de toute cette famille Batman. Bat Blood, il y a le titre qui est quand même assez important. On a l'ancien fils préféré. C'est pas Bat Blood, c'est Bad. Oui, Bat Blood, oui. Oui, mauvais sang. Et du coup, voilà, il y a l'ancien fils préféré qui prend la place de son pseudo-père, le vrai fils biologique qui est là. Et puis, il y a celle qui va venir se greffer à tout ça, Batwoman, qui adopte le symbole parce qu'elle se reconnaît dans le symbole, mais qui ne veut rien avoir à faire avec la famille. Et puis, il y a Batwing qui lui arrive un peu au début, plus ou moins forcé, enfin voilà, qui arrive sans trop savoir pourquoi il est là, et ça lui tombe un peu dessus, et voilà. Et il y a vraiment toutes les facettes de tous ces gens-là qui, au final, bah, forment la Bat-Family, et c'est hyper intéressant. Il en manquait qu'une, qui arrive à la fin du film, et j'aurais pas détesté qu'elle soit là aussi pendant ça aurait été pire. Il y a vraiment quelque chose sur la famille et toute la diversité de la Bat-Family qui, moi, m'a intéressé et m'a plu. Voilà. Du coup, le problème, c'est sa durée. S'il avait duré plus longtemps, peut-être qu'ils auraient pu réussir à mieux intégrer ce personnage-là dans l'histoire. Et peut-être qu'ils auraient pu aussi ajouter Batgirl. Je suis d'accord avec toi, elle m'a manqué. Quand le film arrivait à sa fin, je me suis dit, mais il nous en manque une, là. Et elle fait son apparition à la fin. Mais je pense que vraiment, ils ont vu la durée qu'ils avaient, ils auraient dû faire le choix quand même de virer Batwing ou alors de mieux l'introduire dans l'histoire. Après, il n'est pas essentiel, on est d'accord. Mais c'est ça son problème. Vu la durée, tout doit être important. Vu la courte durée du film, tous les personnages doivent être importants. Or, lui ne sert à rien. Pas forcément. Rien, parce que c'est exagéré. Mais il a moins d'importance et il est presque... sans intérêt, mais il est presque remplaçable. Pas forcément, tout doit pas être important, justement, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on est dans un produit d'animation et qu'on s'adresse à un public plutôt jeune. On n'est pas forcément le public cible pour ce film-là. Et il faut tenir compte aussi de la capacité d'attention du public qui regarde ça. Il n'y a pas de coupure pub pendant un film comme ça. Et du coup, il faut des moments où, qu'il soit dispensable, qu'il soit moins intéressant pour que ça coïncide plus ou moins avec la baisse d'attention du public. Et voilà. Et non, justement, tout ne doit pas être important. Pour que, justement, les moments importants, le public soit disponible et présent et ne les rate pas. Et le fait qu'on soit adulte, c'est vrai que nous, ça nous gêne. Ouais. Du coup. Ouais. C'est exactement ça. Il y a vraiment cette sensation d'être un peu. C'est ça les problèmes de rythme qu'on ressent en tant qu'adulte. Mais un peu vieux, se sentir un peu vieux pour ses conneries, entre guillemets. Je reprends la phrase de dans l'arme fatale. Même si, honnêtement, ça reste un divertissement sympa. Mais je veux pas donner l'impression que voilà, je suis pas le public pour ça. C'est le genre de choses que je regarde. J'ai adoré le Justice League Flashpoint Paradox. Je pense que c'était Flashpoint Paradox. Ouais. Voilà. Bien cool, ouais. Voilà, j'ai adoré les Ultimate Avengers 1 et 2. Qui d'ailleurs reprenait un peu la trame du film Avengers 1. Donc je suis plutôt un bon public, mais je dois avouer que ces derniers temps, je suis un peu moins emballé par ça. Un peu ronchon, il faut le dire. Ouais, je dirais pas ronchon, mais je trouve que c'est un peu moins bien. Je sais pas si vous avez vu d'ici avec le trône d'Atlantide. Ah oui. Voilà, donc je trouve que quelque part. Figoire. Voilà, quelque non, part. Non, Tron d'Atlantide, oui, ce nom-là d'ailleurs. Oui, voilà. Donc, quelque part, soit ça s'infantilise un peu trop et c'est un peu moins intéressant, je trouve. Mais dans l'ensemble, ça reste fun. C'est sûr. Moi, ce film a quand même le mérite de donner la place au meilleur duo Batman et Robin qu'on ait jamais eu, et au meilleur, j'ai peut-être maquillé les fautes, mais au meilleur Batman qu'on ait pu avoir, Dick Grayson en Batman, ça marche, c'est incroyable. La relation qu'il a avec, c'est quand même des grandes années qu'on a eu dans les comics, le tandem Dick Grayson-Damian Wayne. Il y a énormément de choses qui se sont jouées dans leur relation. Alors oui, c'est que survolé, évidemment. On a 1h12, donc c'est que survolé dans ce film. Et puis quand on s'adresse à des enfants, on peut peut-être pas aller non plus. Un peu trop loin dans l'exploration, et le côté psychique de cette relation-là, mais ça, moi, ça m'a rappelé des moments de lecture incroyables avec ce tandem-là qui est vraiment mon préféré, quoi. Le tandem. Mais effectivement, comme tu dis, Dick Grayson, c'est un des éléments vachement importants dans le film, parce que ça rapporte une psychologie qui est plutôt agréable. Il y a notamment un plan où, lorsqu'il arrive, et Alfred lui fait comprendre qu'il va falloir qu'il remplace Batman, et là il se met en face du costume à travers la vitre, et donc t'as son reflet sur à travers la vitre où est rangé le costume, qui donne l'impression qu'il a le costume, qu'il porte le costume. Et en même temps, c'est comme tu dis, voilà, on n'oublie pas que c'est pour un public à enfants, mais t'as ce refus chez lui de tuer le père. Ah bah bien sûr. Mais en même temps, il y a une envie d'endosser le costume. Il dit, voilà, pendant des années, j'ai essayé de fuir ça. Aujourd'hui, j'ai une vie. Ouais, j'ai réussi à... Voilà, j'ai une identité et ça me ramène toujours à ça. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Le mec qui ne peut pas fuir sa destinée, qui est comme aimanté et tiré à chaque fois tout le ramène toujours à Batman. Et il a beau être Nightwing, mais il ne peut pas se définir autrement que par rapport à Bruce Wayne et Batman. Et puis Damien, à côté de ça, qui se trouve forcé à de collaborer, alors que lui, c'est le fils de sang, vraiment, de Bruce Wayne et de Batman, ouais. Qui se trouve forcé à être le sidekick de l'ancien fils préféré, sentimentalement, je veux dire. Avant que lui arrive, il y avait Dick Grayson, qui a une place très importante dans le cœur de Bruce Wayne, ouais. Et il se trouve à être obligé de gérer ça, et Grayson aussi, il est obligé de gérer ça, et voilà, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est peut-être... Mais aussi, je reviens sur les scènes. Les scènes d'action sont plutôt bien faites aussi, quand même. C'est un point positif que, que je rajouterais. J'ai bien aimé les scènes d'action. Peut-être pas la scène finale où je trouve c'est un peu tout. Ils ont accéléré un peu sur la fin. Aussi. Il fallait ranger les jouets là. C'était exactement. Donc il y a des gros raccourcis. Voilà. Mais dans l'ensemble, notamment, elle n'est même pas totalement expliquée, parce que tu te poses la question de pourquoi, quand Talia al Ghul, elle se fait attaquer en toute fin par, j'ai oublié son nom, non, on a le droit de spoiler là, non? Ah oui, ouais. Elle se fait attaquer en toute fin dans le vaisseau où elle s'apprête dans lequel elle s'apprête à s'enfuir. Elle se fait attaquer en toute fin par un des membres de son équipe. Oui, j'ai oublié son nom. Oui, sans aucune justification. J'ai raté quelque chose. Merde, comment ouais, ah. C'est pas grave, je ne retrouverai pas son nom de toute façon. Mais vous avez une raison, vous savez pourquoi elle attaque? Non, pas spécialement. Que lorsqu'elle est tenue en joue par tout le monde, elle est battue par toute la bad team. Bah, elle se jette du haut de la tour et elle retombe dans le vaisseau et elle s'en va. Et là, t'as tout le monde qui dit bon, bah, elle a encore réussi à nous mener en bateau. Mais sauf que dans son vaisseau, il y a quelqu'un, c'est le nom dont on parlait tout à l'heure. C'est pas l'hérétique. C'est hérétique. Oui, c'est ça, c'est hérétique, oui. Et qui l'attaque dans le vaisseau et qui fait le vaisseau se crache dans l'eau. Hérétique aussi que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir, parce que on sait l'importance qu'il a dans les comics vis-à-vis d'un drame qui va secouer la Bat Family, et du coup de voir ce personnage là et de voir que c'est à peu près les mêmes origines qu'il a, on peut-être se prendre à rêver et avoir plus tard un Requiem dans les versions animées, et moi ça me ferait plaisir. Oui, c'est sûr, mais ce serait osé pour un film d'animation qui s'adresse vraiment à l'école. Après, toute la chronologie jusque-là, depuis l'apparition de Damian, tout est plus ou moins mis en ordre, là. Hein. Il arrive, machin. La disparition de Bruce, certes, ça dure que le temps d'un film, mais il y a cette période-là. On se dirige vers une bad girl de Burnside, qui marque aussi bien la période New 52 et compagnie. Enfin, voilà, on est autour de cette époque-là. On a eu la cour des hiboux, tout ça. C'est pas pour rien qu'ils mettent sa mère aussi. Voilà, donc on peut se diriger vers ça sur un prochain film, mais moi ça m'emballe. Après, voilà, le truc quand même avec lequel j'ai du mal, c'est l'animation et certains designs que voilà, je. Quand on a connu la grande période Bruce Timm et compagnie, ça fait mal au cul, quoi. Bah, c'est l'animation limitée où t'as juste les personnages qui bougent de temps en temps, l'arrière-plan qui reste. Immobile et. Quand on s'appelle Warner parfois, et. Parfois les mouvements sont un peu dégueulasses. C'est ça, quand on s'appelle Warner et DC, on a quand même les moyens de faire des beaux designs et de faire une animation bien chiadée et tout, et ils sont un peu feignants là-dessus. A contrario, on peut reconnaître l'uniformité de l'univers. Oui. C'est-à-dire que les designs, le style d'animation est le même dans tous les films de l'univers DC animé. Donc après, on l'aime ou on l'aime pas, mais au moins il y a cette cohérence. Donc, on reconnaît tout de suite qu'on est dans un film d'animation d'ici des années 2010. Oui. Cette nouvelle période, ce nouvel univers qu'ils ont ouvert il y a quelques années. Pardon. Donc voilà, c'est aussi agréable de se sentir un peu à la maison, entre guillemets, même si la maison n'est pas forcément très belle. Que dire d'autre sur ce Bad Blood? Moi, il y a un truc qui m'a plu, enfin qui m'a fait plaisir de voir, c'est Batwoman. C'est quand même un personnage très peu connu de l'univers Batman, et pas celui qui saute tout de suite aux yeux quand on a envie de faire Batman grand public, disons. Et donc j'ai beaucoup apprécié de voir ce personnage qui apparaît très peu. Il y a déjà eu il y a quelques années un film d'animation avec elle, mais je l'ai pas vu. Et sinon, dans mes souvenirs, elle apparaît à la toute fin d'un ancien film aussi. Enfin, c'est pas Batman qui apparaît, mais c'est Kate Kane qui apparaît. Je sais plus lequel, mais il me semble qu'elle apparaît à la fin d'un des films. Et donc, c'était plaisant de voir ce personnage mis au cœur de l'histoire. Et en plus, qu'ils aient respecté le personnage aussi. Allô? Ouais, oui. Ah, ouais, ouais. Je n'entendais plus rien, je croyais que. Et qu'ils aient respecté l'histoire le personnage et son histoire. C'est, on retrouve son trait de caractère très caractériel. Et son histoire aussi, ils ont pas caché le fait que ce soit une lesbienne. Parce qu'on voit René Montoya, on voit un début de rendez-vous Et c'était intéressant qu'ils aient pas justement, on a pu dire c'est un film d'animation comme d'ici un peu les pétoches des fois d'oser des choses, et quand on voit les réactions déjà juste, comme on en parlait l'autre jour dans le mag, de voir les réactions des gens quand on parle d'une relation homosexuelle dans Star Wars, d'oser, enfin oser c'est peut-être pas le bon mot, mais d'avoir suivi l'histoire des comics et d'avoir respecté le personnage dans tout ce qu'elle est, je trouve que c'est à moi à reconnaître de la part de DC. Bah, malheureusement, dans ce monde d'extrémisme des conservateurs et de certains groupes religieux et compagnie, oui, malheureusement, on doit dire qu'ils ont osé le faire, alors que c'est un mot qui ne devrait même pas être utilisé pour ce genre de situation. Mais si, ils ont osé le faire. C'est moche à dire, mais voilà, et c'est très bien qu'ils l'aient fait. C'est pour ça aussi que je pense qu'on peut se diriger vers du Requiem et des choses comme ça, parce que finalement, ils abordent tout. Et pourquoi pas la mort d'un personnage. Ouais. Putain de merde. D'ailleurs, Batwoman. Tu en parlais, c'est un truc que j'ai remarqué. Elle est presque en décalage au niveau de son design et de la façon dont elle est représentée, même la lumière qui est sur elle, etc. On a l'impression de voir les pages les plus classes de G.H. Williams 3 quand on voit les dessins, des fois, certaines poses qu'elle peut avoir, même son design, son masque, etc. Enfin, il y a quelque chose qui la met à part dans ce film. Je sais pas si tu l'as senti aussi. Ouais, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qu'il a démarqué. Alors, c'est peut-être que moi, j'ai peut-être halluciné ma race, mais... Bon, il y a quoi, ok. J'essaie de me souvenir de moments particuliers. Tu penses à quoi, par exemple? Je sais pas, cette espèce de caméra, entre guillemets, qui tourne autour d'elle et elle a les cheveux dans le vent, bien rouge pétant avec son masque blanc, et le trait du dessin est un peu plus épais que les autres personnages. Enfin, voilà, on a l'impression de revoir des pages, enfin, de l'avoir directement sorti des comics, et du coup, elle est presque en décalage par rapport aux autres, enfin, mais positivement, quoi. Ouais, et même elle est aussi... En décalage, dans mes souvenirs, ils ont respecté son teint assez blafard des comics aussi. Oui, oui, oui. Voilà, il y a tout ça. Et au niveau technique, visuel, etc., il y a quelque chose qui la différencie des autres. Et ça aurait été bien que tous les personnages passent au même traitement. La maison aurait été plus belle, du coup. Ouais, il fallait qu'elle soit particulière. Voilà, après, Batwing, on va parler... L'apparition de Batgirl à la fin, avec effectivement ce design qui rappelle Burnside. Elle a vraiment la Batgirl lumineuse récente, quoi. Ouais, que j'aime pas. Ouais, mais que moi j'aime mieux que Gail Simone, mais que j'aime pas non plus, mais qui est quand même mieux que celle de Gail Simone. Voilà. Quand je vous écoute là, j'ai l'impression que vraiment c'est vraiment fait pour les gens qui connaissent vraiment pas mal la BD. Il y a pas mal de références. Bah, disons que moi je m'y suis raccroché parce que. Le film en lui-même, si tu prends juste en tant que film d'animation, il est basique. Enfin voilà, il est sympa, tu passes un bon moment, mais il est basique. Mais du coup, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que ce film me rappelle des choses qui m'ont marqué dans les années précédentes sur Batman et que j'ai apprécié. Le tandem Grayson-Damian et puis cette Batwoman aussi. Voilà, forcément, il y a certaines choses qui sont faites pour nous y faire penser quand on connaît le personnage dans les comics. Et du coup, ça change forcément ma perception. Mais... Après, est-ce que tu as besoin de ça pour l'apprécier? Je sais pas. En fait. Non, je pense pas. Je pense que tu peux l'apprécier. Clairement, ça. Je sais pas, quand vous parlez de Batgirl qui arrive en toute fin, moi, quand je la vois arriver, je me dis, oh, encore une. Ah, bah oui, oui. Ouais, voilà, parce que j'ai vraiment une sensation de foisonnement. Voilà, j'ai l'impression que l'écran est déjà assez rempli. Mais attends, il fallait l'introduire dans ce film-là, parce que le prochain, c'est quand même Killing Joke, et c'est un peu elle qui est au cœur de tout. Donc il fallait qu'elle apparaisse. C'est pour ça que j'attendais même plus tôt dans le film. Je me dis, Ouais. Donc quand tu dis que le film est... Ah, beaucoup de personnages, c'est vrai, mais on n'a pas vu toute la Bat Family, il y en a encore plein d'autres. Hein. Ah bon, on a il y a encore Red Hood, Red Robin... Il en manque, c'est clair. Ah, ouais. Voilà. Donc du coup, ça renforce un peu le côté... le côté Marvel Avengers Assemble, c'est ce qu'on appelle la Bat-Family, c'est tous les personnages autour de la chauve-souris. Il y a la même chose chez Superman. Et on n'a pas trop de Jim Gordon non plus, qui pour moi fait partie de cette famille-là, encore plus maintenant. Là, il y a plusieurs personnages aussi qu'on voit pas trop. Mais moi, je trouve que la sélection était plutôt cohérente de ceux qu'ils ont choisis. Après, on peut regretter quand on n'est pas habitué, effectivement. On peut trouver que ça en fait beaucoup. Mais à la rigueur, enfin là encore, c'est le lecteur qui parle, on le voit jamais dans les comics, tous, qu'ils soient tous ensemble comme ça. Non, c'est rare. C'est hyper rare, donc du coup, c'est aussi plaisant de les retrouver. Mais je peux comprendre que ça fasse beaucoup. Oui, et puis c'est pas plus mal. Déjà là, par rapport à la durée du film, ils sont déjà nombreux. Je suis quand même content qu'on n'ait pas vu tous les personnages. Oui, là, ça aurait fait trop. Pour le coup, il aurait fallu une bonne vingtaine de minutes de plus. Allez, on va pas trop s'attarder non plus. Voilà, on va pas parler 2 heures de ce film-là non plus. je vous propose de passer à la note, puisque c'est tradition quand on parle d'un film d'animation. Donc on va noter aussi ce Batman Bad Blood sur 5, comme d'habitude. Puisque Arnaud Ayam ne s'est pas préparé. Irish. Je dirais 2,5. 2,5, la moyenne. Ouais, la moyenne, je mets la moyenne. Pour les moments sympas, mais tout le reste, voilà, pour les moments sympas, parce que bon, c'est Arnaud, toujours plaisir. Un peu plus que la moyenne, quand même, 3. Voilà, moi j'étais plutôt sur du 3, voire du 3,5. Alors, si je dois juger le film en lui-même, 3. 3 sur 5. Il se débrouille, il fait le job, voilà, point, il est divertissant et tout. Mais si je dois prendre en compte ce qu'il m'a évoqué de ce que j'ai connu et ce que j'ai aimé dans les comics, là je peux monter jusqu'à 3,5. Voilà. Ok. Ça va là. Parce que ça suffit pas non plus à mettre un 4. Enfin, 4 sur 5, c'est quand même une grosse note. Ah non, c'est du Deadpool, 4 sur 5. Même si ça m'a évoqué beaucoup de choses très sympas, pas de là à mettre 4. Donc en 3 à 3,5, quoi. Voilà. Donc plutôt un moment sympa quand même. Enfin voilà, moi je conseille quand même les amateurs de Batman et d'animé et compagnie de jeter un œil à ce film là parce qu'il est loin d'être dans les plus mauvais de ce qui nous a été proposé ces dernières années. Il est plutôt dans la bonne moyenne. Ouais. La bonne moyenne des animés qui ont été proposés ces dernières années. Les animés qu'on a vu ces dernières années, c'est vrai parce que j'allais te citer mais ça date, j'allais te citer les Flashpoint Paradox mais ça date. C'est vrai, ça en fait partie. Mais voilà, ça fait partie de cette vague là, hein. Flashpoint Paradox, si on compte depuis Flashpoint Paradox ceux qui ont vraiment été bien, il n'y en a pas des masses non plus quoi. Le film avec le fils de Batman, c'était vraiment, je l'ai même pas fini. Il était pas terrible celui-là. Non, j'ai pas fini. Je me suis arrêté peut-être après 20-25 minutes, tu vois, ça suffit. Mais si Arnaud, on en avait parlé dans un podcast de Son of Batman. Mais je l'avais pas vu moi. C'était Clément. Ah, c'était avec Clément, d'accord. Ouais. Bon, voilà, il nous avait pas laissé un souvenir impérissable. C'était sympa de voir Damien arriver, mais voilà, sans plus, quoi. T'as eu le trône d'Atlantide, dont on a parlé tout à l'heure, qui était aussi également assez bof. Ouais. Voilà, Justice League War était pas mal, mais il y en a quand même quelques-uns. Ouais. Le prochain dont on parlera, ce sera donc Killing Joke, si je ne me trompe pas dans le planning. Non. Justice League versus Teen Titans. Ah oui, bordel. Bah oui. Pour quand, ça? C'est pour bientôt. Ah, d'accord. Justice League versus Justice League versus Teen Titans. Alors là, pour le coup, quand on parle d'attente, rien que sur le titre, voilà, il n'y a pas le droit à l'erreur. Quoi. Et dans le casting, il y a le Punisher. Il y a John Bertal qui fait une voix. Ouais, c'est vrai. Et il y a Rosario Dawson. Voilà, comme quoi, Marvel a dit. Joue Wonder Woman. Ouais, non, oui, effectivement, dans un gros mois, on se retrouve pour ce Justice League versus Teen Titans, en espérant avoir passé un super moment. D'ici là, on se retrouve pour le mag mardi 8 mars pour le mag de Comic Stories. Et puis la semaine prochaine, c'est toujours le piège à la fin sur nos écrans, mais merde, de 45. Quoi, la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est effectivement numéro 45 et ce sera le bilan de cette saison 2 d'Agent Carter. Ah. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je regarde la saison dans la semaine. Je n'ai pas commencé la saison 2. Oula. T'as 10 épisodes à voir. 10 épisodes et des journées de boulot un peu folles. Donc ça va être dur, ça va être très dur, mais je vais essayer. Allez, d'ici là, évidemment, bonne lecture si vous voulez, surtout bonne série et bon film. Et à la prochaine. Salut. Salut.